avec mon équipe et tous mes potes de Calais. Ce soir je m'en vais, t'as pas d'embrouille chérie, ce soir c'est 4 pas très. Ce soir je m'en vais, pas de danse pour moi et tous les mecs de ma tête. Ce soir je m'en vais, sur du Hamita, lève le son dans le cluster. Dernier pas de danse, repêcher un gros flow. Toujours efficace, petit All-Star West Coast. Dernière co-ego, lunettes Casal. J'ai plus son nom, y'a tellement de go, faut que je la chasame. J'dans mon 9-3, origine Rockma. Avec Melosa, wesh wesh cousine. Jamais dans la cuisine, chicha. Oui oui, hôtel Marrakech, tout de suite. Ouais ouais, mec, c'est plein, pour ta neuse. Marocino Uno, pour les petites râleuses. J'me dis soleil, ouvre la mouette. Just breathe, lâche-moi bébé, j'suis dans mes poèmes. Rarement honnête, swing on connect. J'suis une gourmette, j'fais danser l'assemblée. Hombre, on fait pas semblant de sombrer. Un peu de weed, de jack, et j'suis en train. Je suis avec mon équipe et tous mes potes de Calais. Ce soir j'm'en vais, t'as pas d'embrouille chérie. Ce soir c'est 4 pas très. Ce soir j'm'en vais, vas-y danse pour moi et tous les mecs de ma tête. Ce soir j'm'en vais, sur du Hamilton, lève le son dans le cluster. J'rôde Paris la nuit en Panamera. Cléo une grosse son armée comme Mera. Dans le poste numéro 1 c'est Hamida. Accompagné de 2-3 LBA. On accélère même dans les virages. PH Paris Lyon, Paris Lille, Paris les nuages. S'il faut swinguer, je suis toujours au-dessus. C'est des tauvins, nég, je suis un gladzer. Change pas moi, je m'en bats les ch. Demande à Kacha, bienvenue au Rockma. Mega Flow, Jima, Mjina, Jima. Casa Blanca, armée comme les Bima. Era Cosinda, ambiance de Fuga. Pas de cure dans nég, j'aime la Chehma. Vas-y brûle la piste, tu marocain comme l'artiste. Alors bien c'est Hemi dans le mix. J'suis avec mon équipe et tous mes potes de Calais. Ce soir j'm'en vais, t'as pas d'embrouille chérie. Ce soir c'est 4 pas très. Ce soir j'm'en vais, vas-y danse pour moi et tous les mecs de ma tête. Ce soir j'm'en vais, sur du Hemi dans, lève le son dans le classe. Ce soir j'm'en vais, j'suis avec mon équipe et tous mes potes de Calais. Ce soir j'm'en vais, t'as pas d'embrouille chérie. Ce soir c'est 4 pas très. Ce soir j'm'en vais, vas-y danse pour moi et tous les mecs de ma tête. Ce soir j'm'en vais, sur du Hemi dans, lève le son dans le classe.